Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonjour à tous et bienvenue chez Papa Cassette, épisode 38. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en forme correcte, là. Je viens de me lever. En fait, je viens pas de me lever aujourd'hui. Ça va être un épisode pendant lequel je vais répondre à vos questions. Fait que j'ai quand même dû faire un peu de recherche dans mes affaires personnelles pour répondre convenablement et agréablement à vos questions. Donc, ça fait comme une demi-heure que je suis là-dessus. Donc, je me suis levé, je suis embarqué là-dessus, puis me v'là. Et puis, j'ai mal à la tête aujourd'hui parce que j'ai bu de la bière hier soir. Gros party dans le salon en haut. Moi, puis ma blonde, puis mon gars a écouté Tiger King. On a terminé d'écouter Tiger King. C'était très agréable sur Netflix. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Sur Internet, sur Facebook en tout cas, là, quand c'est sorti, tout le monde a écouté ça, binge-watché ça, tout le monde a viré fou. Donc, c'est très intéressant. J'étais pas comme anxieux. J'étais comme, vite, faut que je finisse ça. Tu sais, j'étais pas dedans tant que ça. Mais j'ai trouvé ça très agréable. Donc, dans le fond, c'est un peu un documentaire. Si vous avez aimé How to Make a Murderer, je pense que ça s'appelait. Donc, le type de documentaire Netflix là, qui te présente les personnages tranquillement. Puis là, t'es comme, oh shit, fucking hostie cette affaire-là. Donc, voilà. Donc, une affaire sur des rednecks propriétaires de zoos du sud de l'Oklahoma. Puis propriétaires de tigres. Et puis, la base de ça, c'est que ce sont tous des amateurs de gros félins, comme nous sommes tous des amateurs de jeux vidéo. Alors, eux autres, c'est leur folie au travers de ça, puis ça mène à des affaires très dark. On n'est heureusement pas encore rendu là dans le jeu vidéo, au Québec, du moins pas de mon bord. Hey, je voulais vous remercier du fond du cœur. Dans mon dernier épisode, où est-ce que, bon, en parlant de cœur, je me vidais un peu, là, tu sais, et puis j'avais comme besoin de ça. Puis tout le monde a été comme super gentil, vous m'avez tout comme encouragé, puis écrit des commentaires super positifs. C'est vraiment, c'est le fun, sérieux, ça fait du bien, ça rend heureux. Et puis ça fait oublier, là, tu sais, comme, toutes ces, tu sais, tu reçois une affaire de marde, puis tu focuses juste là-dessus. Puis des fois, t'oublies tout le reste, tu sais. Mais tout le reste, c'est vous autres qui m'écrivez des belles choses puis qui appréciez mon humble présence sur Internet. Alors, vraiment, merci beaucoup de tout ce que vous m'avez écrit. C'est vraiment très, très, très apprécié. Et puis, je vais en profiter justement pour continuer d'être avec vous autres aujourd'hui puis répondre à vos questions, dans le fond. Et puis, parce que c'est ça, tu sais, quarantaine, maison, il se passe pas grand-chose de plus dans ma vie présentement. Mais c'est ça, fait que j'avais besoin d'un peu d'inspiration. Fait que là, vous m'en avez donné, puis c'est le fun, là, tu sais. Puis c'est pas toujours genre jeux vidéo non plus. Puis moi, ça me fait plaisir aussi de pas parler que de jeux vidéo. Parce que, j'ai mes limites aussi, vraiment. Il y a des gens qui m'écrivent des fois, pour des sujets très pointus, connais-tu telle affaire. Beaucoup de monde nous ont écrit au cours des années aussi, puis c'est moi qui réponds comment réparer des arcades ou trouver des arcades. Moi, j'ai pas ces réponses-là, tu sais. Je suis pas un gars de techno, de technologie, réparation. Moi, je connais rien à ça, tu sais. Chacun ses forces. Ça, c'est pas dans mes forces. Donc, je sais pas où trouver des arcades. On les trouve à la même place que vous autres, des petites annonces, tout ça. Le monde qui nous poke parce qu'ils savent qu'on a un bar, des affaires de même. Je connais rien dans les arcades. J'en ai une. Faudrait que je gosse dessus. Puis, j'hésite parce que je sais que je suis pas bon là-dedans. Je sais pas comment modder des Game Boy. Je sais rien faire de ça. Mais je sais faire d'autres choses. Donc, par contre, je fais des bonnes patates pilées. Et puis, je sais rassembler les gens. Donc, je travaille. C'est plus une de mes forces, ça, disons. Et puis, pourquoi je disais ça? Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, même si vous m'écrivez, tu sais, je veux pas. Des fois, je vous réponds vraiment. Puis, j'ai souvent pas de réponse à vous donner. Je vous réponds que je sais pas. Puis, c'est vrai, c'est pas parce que je veux pas vous aider, c'est parce que j'ai pas ces réponses-là, tu sais. C'est pas dans mes. C'est pas dans mon. Dans mes forces. Donc, quoi d'autre? C'est pas mal ça, je pense, hein? Sinon, la vie va bien. La vie va-tu bien, vous autres? Moi, ça va quand même bien. Je me suis quand même mis dans un beau pétrin, en fait, avec mon aide, la prestation d'urgence fédérale, où est-ce que je me suis comme coincé, tu sais, c'est chiant. Moi, j'ai fait ma demande la journée qu'on pouvait. J'ai plus de revenus, fait que j'ai fait la demande, tu sais, personnellement. Et puis, moi, je pensais qu'une fois que la demande était faite, ça comptait comme, voilà, c'est fait, donnez-moi de l'argent, j'attends des nouvelles, tu sais. Mais j'ai reçu mon numéro de confirmation par la poste, vous autres aussi, si vous avez fait ça. J'avais pas allumé qu'il fallait que je fasse une déclaration de chômage suite pour rétroactivement les deux semaines d'avant. Fait que j'attendais, tu sais. Alors là, on m'a fait allumer qu'il fallait que je remplisse ça, chose que j'ai faite. Et puis, à la fin de tout, quand il faut que tu écrives pourquoi tu travailles pas, là, ils te donnent est-ce que vous travaillez pas pour toutes ces choses-là ou autres? Puis dans toutes ces choses-là, il n'y avait pas genre le commerce a fermé, coronavirus, da-da-da. Fait que j'ai mis autres, voulant le spécifier. Puis là, c'est comme clac. OK, votre déclaration est terminée. Oups, OK, on a besoin de savoir pourquoi vous ne travaillez pas parce que vous avez coché autre, appelez-nous. Là, je suis comme, fuck! Là, faut que tu appelles, mais c'est impossible d'avoir la ligne. T'as la ligne, puis là tu arrives dans une affaire enregistrée, puis bien sûr, ça te filtre, puis ça t'envoie une place, puis là, clac, cul-de-sac. Désolé, on peut pas vous traiter, il y a trop de monde. Là. Fait que là, je peux pas avoir, j'imagine, de l'argent, parce que je suis pogné dans ce cul-de-sac-là qu'il faut que moi, je les appelle, et ils ne sont pas joignables, parce que j'ai pas mis la bonne affaire à la fin, tu sais. Oh là là, sérieux, ça m'a fait chier, là. C'est du gossage, ces affaires-là. Oh. Ben, c'est même pas si compliqué que ça, en fait. C'est juste... J'aurais dû prévoir que le gouvernement allait pas ajouter cette option-là. Fallait juste que je regarde sur mon relevé d'emploi puis que je prenne l'info qu'il y avait là. J'ai oublié de regarder cette option-là de pourquoi je travaille plus. Parce que la dernière fois que j'ai été sur le chômage, c'était en 2004. Et puis, c'est la seule fois que j'ai été sur le chômage. Fait que, hein, j'ai oublié ça. Donc, coudonc. Mais c'est correct parce que tout se maintient. Puis, Rétro Montréal va très bien aussi en passant. Vous êtes certainement plusieurs qui écoutez ceci, qui nous achètent des jeux. Alors, merci beaucoup. Ça fonctionne. Le en ligne est vraiment efficace. On a beaucoup d'inventaire encore qu'on sort du sous-sol, puis il part, tu sais. Fait que ça fait baisser tout ce qu'on a accumulé au cours de la dernière année. Puis ça fait du bien aussi. Donc, vu qu'on n'achète plus de l'eau, ou très très peu de l'eau, en fait, puis quand on le fait de façon sécuritaire, inquiétez-vous pas, ça coupe les dépenses. On a juste un employé, ça coupe les dépenses. Notre loyer n'est pas élevé, puis les ventes continuent très bien. Donc, le magasin va bien. Et puis, Arcane Montréal est complètement sur pause, mais ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a fait notre demande d'aide pour avoir le prêt pour les deux entreprises. On a fait ça cette semaine, donc on devrait avoir des nouvelles d'ici 5 jours ouvrables. J'ai hâte de voir ça. Pour avoir cette aide-là, il faut avoir un payroll de 50 000, au-dessus de 50 000 pour ton entreprise. Puis, je suis bien content de... Qu'on ait ces chiffres-là, on l'avait pour Rétro Montréal. Les gens, des fois, ils oublient, tu sais, ou ils savent pas, ou ils réalisent peut-être pas, en fait, ce que c'est Rétro Montréal. C'est des jobs à temps plein, tu sais. On a 5 employés, on est 3 propriétaires, tout le monde travaille à temps plein là-dedans pour que ça roule, et puis on emploie du monde pas mal, et puis on met beaucoup d'argent à payer ce monde-là. Si on veut que les choses se fassent, mais il faut que les choses se fassent anyway, parce que nous, on peut pas être là tout le temps. Fait que, non, c'est une grosse business, là. C'est pas comme un dude en arrière d'un comptoir qui attend que quelqu'un vienne y acheter un jeu, là. T'sais, c'est le online, c'est le roulement d'inventaire, de l'achat, répondre à des questions. Depuis que le monde est en quarantaine aussi, on a tellement de questions. Sérieux, on passe notre journée à répondre à des questions... qu'on reçoit sur Facebook pis tout. Pis c'est bien correct, pis c'est bien tant mieux, en fait, parce que ça démontre qu'il y a des gens qui nous connaissaient pas ou qui avaient jamais acheté en ligne, puis que là, ils ont des questions, ça veut dire que c'est des nouveaux clients, tu sais. Donc, tout ça, c'est très, très bon. Alors, merci à tout le monde, encore une fois. Vous êtes tellement blood! Je vous aime! Bon, on commence avec les questions, parce qu'il y en a beaucoup, et puis c'est bien le fun, puis je vais essayer de faire à tout le monde. J'ai pas une réponse très longue pour tout le monde parce que des fois, c'est ça, donc vous allez voir. Yves L. Bordelot, grand Manitou de Rogue Factor, me dit « Garde ce look d'homme, Spartan! » Vous voyez mon beau look. Là, mes cheveux sont... j'ai pas pris ma douche. Ça sent bon quand même. Tout ça sent bon. Mais je me suis pas lavé. Alors, j'ai pas les cheveux fluffy. Là. Ils sont un peu tapés. Là, t'sais. Mais les cheveux longs, je vais pouvoir les attacher bientôt. Là, ça commence à faire plus sérieux. Là, t'sais. Vous voyez, là? Si je peux m'attacher les cheveux tranquillement, là. J'essaye ça, en tout cas. Ça va être bien drôle quand on va sortir de quarantaine puis que... Je sais pas s'il y en a d'autres qui font ça aussi, qui se laissent tout aller. Là. Moi, je laisse tout aller. Et puis, voilà. Donc, merci, Yves. J'apprécie ton commentaire capillaire. Oli Bertillon, comment faire Final Fantasy au NES sans le truc du glitch du pic nord-est? Ha, ha, ha. Je sais pas de quoi tu parles du tout. En fait, moi, j'ai fait Final Fantasy au NES de façon normale. Je savais pas qu'il y avait un truc du pic nord-est et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe là pour farmer de l'or ou de l'expérience, j'imagine. Cette Final Fantasy-là est quand même... C'est pas si le fun de nos jours, là. Il faut le travailler un peu là, quand même. Et puis, mais ça demeure une expérience. Non, j'aime ça. Quand je l'avais refait, ça fait longtemps. Ça fait 8 ans, 9 ans. Ah, plus que ça. Ça fait genre 10 ans, là, la seule fois de ma vie que j'ai fait Final Fantasy au NES. Par contre, j'ai fait Final Fantasy Dawn of Souls 1 et 2. Dans le fond, ça, c'est... Il y a Final Fantasy 1 est refait au Game Boy Advance. J'en ai déjà parlé. J'en parle de temps en temps de ça. Très, très beau remake de Final Fantasy. J'ai adoré. Donc, peut-être c'est une version un petit peu plus agréable pour ceux qui ont envie d'essayer ça. Jean-Philippe Perrault. Combien de jeux NES il te reste à terminer? Ah, beaucoup. Je veux pas finir tous les jeux NES. Il y a un gars, YouTuber, là, comment il s'appelle, là? Je pense que c'est un Australien. C'était ça qu'il faisait, lui. Games Done Quick. Non, ça c'est une autre affaire. J'ai oublié le nom. Attends un peu, j'ai un ordinateur sur les cuisses. Je vais regarder ça. NES. After Tree Speedrunner, finalement, 714, The Mexican Runner, c'est ça, sur YouTube. The Mexican Runner a fait toutes les 714 jeux NES, il les a toutes terminés. Après, ça y a pris 3 ans. Donc, allez voir ça. Puis pour les jeux qui se finissent pas ou que c'est du high score comme Galaga, il y a des normes ou des règles qui s'étaient fixées. Bref, moi j'ai pas regardé, mais j'ai entendu parler de ça, puis il paraît que c'est très très cool. Donc, mais c'est pas, j'ai pas d'objectif de finir tous les jeux NES. T'sais, je veux comme jouer aux jeux que j'aime ou découvrir ceux qui paraît qu'ils sont bons. Puis quand je joue, effectivement, j'aime quand même essayer de les terminer. Daniel Masson me dit, la semaine dernière, tu parlais de certaines personnes qui te faisaient donner sur YouTube. Peut-être un épisode sur les personnes qui t'ont donné un solide coup de main dans ta collection projet. Le genre de personne qui t'a offert une pièce rare ou quelque chose du genre. C'est vrai, premièrement, c'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que je pourrais quasiment faire un épisode complet là-dessus, vu les années. Ça fait quand même longtemps que je collectionne de façon plus sérieuse. Par contre, je pourrais pas me souvenir des noms de tout le monde. Pour faire ça, j'ai envie de faire quelque chose comme sous forme d'épisodes différents. Là, dans le fond, j'ai envie de trouver une façon d'avoir deux caméras, une placée en plongée carrément, et puis une sous ma face. Et puis passer un à un, mettons, tous mes jeux Super NES, et vous expliquer pour chacun pourquoi je l'ai, l'historique, c'est comment je l'ai acquis, pourquoi je l'ai, pourquoi j'aime ça jouer à ça, ou whatever. Je dis Super NES parce que NES, il y a des centaines de jeux, tu sais, puis c'est quand même un projet. Super NES, j'en ai moins, donc, puis les jeux que j'ai, je les ai parce que, comme, à base, je suis nostalgique, ou ils sont bons, ou ils valent cher, puis, tu sais, ce genre d'affaires-là. Donc, ça pourrait peut-être être le fun. Vous me direz en commentaire si c'est quelque chose qui vous allume et puis j'aimerais bien faire ça. Là, ça pourrait... Je sais pas si visuellement... Ouais, juste à l'audio, ça serait bon aussi. Puis visuellement, ben ça serait très bien. Je sais pas si je réussirais à faire de quoi de vraiment clean. Faudrait que j'ajuste mon setup pour enregistrer autrement. Mais on verra. Mais j'ai quand même pris des notes. Je peux répondre quand même un peu à Daniel, surtout par rapport au NES, au full set NES. En gros, tout d'abord, Vincent le King, Laniel. Vincent Laniel, qu'on surnomme affectueusement le King, a toujours été un gars qui a encouragé ou aidé le monde, la gang et les projets en général. T'sais. Si quelqu'un sur le CCJVQ fait des peintures de jeux vidéo, il va en acheter une. Si quelqu'un fait telle œuvre, il va en acheter. Il donne de l'argent à des Kickstarter. Il est super généreux, Vincent, vraiment. Et puis, il a aidé tout le monde et moi beaucoup en nous vendant des doublons comme à des très, très, très bons prix, en nous faisant des super bons prix sur sur nos jeux. Donc, il a tout le temps été super cool pour ça. Puis, moi, je fais de la vente de jeux de façon plus sérieuse depuis 6 ans. Avant d'être avec Retro Montréal, je le faisais dans le projet Arcade Montréal, dans le fond. Puis Vincent, pour ce projet-là et pour Retro Montréal, a tout le temps eu des lots à nous proposer. Pas à tous les mois, là, on s'entend, mais tu sais, quand il y avait de l'over, ben, il nous le propose, puis il nous fait un bon prix. Fait qu'en même temps, il est content, il débarrasse de ça, puis il nous aide dans nos projets. Donc, Vincent est vraiment quelqu'un qui a aidé à booster les collections de tout le monde dans notre gang. Donc, on ne serait pas là sans lui. Il est vraiment cool. Vraiment, vraiment gentil. Je dois mentionner aussi Christian Audette, qui est un des admins du CCJVQ. Vers la fin de mon full set NES, dans le fond, quand il me manquait, je sais pas, moi, une cinquantaine de jeux. Puis là, tu sais, c'était plus genre Little Samson, tout ça qui me manquait, ni le filler. C'était tous les jeux genre à 100$, là, ouais. Des jeux comme Die Hard, Genghis Khan 2, c'est ça? Destiny of an Emperor 2. En tout cas, les fucking jeux de Koei, là. Toutes les affaires qui valent 100$, 150$, qui sont pas trouvables, faciles. Lui, il avait décidé d'arrêter de faire le full set NES. Puis, dans le fond, vu que moi, j'étais dedans, ben il m'a vendu tous ces jeux-là qu'il avait, dans le fond. Donc, c'était une bonne façon pour moi de voir les choses. Au lieu d'acheter ça à pièce sur eBay, là, tu sais, puis de gosser, ben ça a comme accéléré le processus, là, dans le fond. Fait que ça, c'est vraiment cool. Dans la même veine, puis j'ai oublié son nom, je suis désolé, le proprio de la boutique Sputnik à Alma, que je n'ai jamais vu. Ce gars-là, on a il m'a poké un moment donné, sachant que je cherche à faire le full set NES. Je me rappelle plus comment est-ce qu'on a rentré en communication. Puis lui aussi, il y avait genre plein de jeux qui manquaient de cette veine-là. Des jeux durs à trouver. Tu sais, les Jimmy Connors Tennis, Young Indiana Jones Chronicles, c'est ça? Ouais, puis Color a Dinosaur, puis tous des jeux, là, Last Action Hero, Wayne's World, tous des jeux de même. Je sais plus si c'est exactement ces jeux-là que j'ai acheté de lui ou de Christian. Bref, lui, il est apparu, puis je le connaissais pas, là. Puis j'ai comme fait un virement Interac de plusieurs centaines de dollars, puis il m'a envoyé le stock. Puis quand on fait un virement Interac, t'as aucune protection. Il peut dire « fuck off, je t'ai envoyé les jeux, puis fuck you, t'es là, c'est sûr, puis gna gna gna, puis il part avec ton argent. Je veux pas donner des mauvaises idées aux gens, mais faites attention. » Et puis j'ai eu ça, puis comme, clac, 2 jours après, c'était « wow, j'avais ça entre les mains, c'était assez incroyable. » Puis c'est ça. Ah, Olivier aussi, c'est ça? Olivier, à Québec, de qui j'ai acheté Little Samson. Et puis une barge de beaux jeux de Genesis et tout ça. Même chose. Little Samson, super clean. Et puis, c'est ça, le proprio de la boutique de Alma aussi. J'avais un Flintstones Surprise at Dinosaur Peak en double. Donc, le Flintstones qui vaut genre 1000$, là. Mais le mien était un peu moins beau. Et puis, on a fait un trade. Lui, il avait un Haganer de trop. Et puis, on s'est juste genre chippé l'un l'autre. Et puis, voilà. C'est comme ça que j'ai eu Haganer. Donc, je suis bien content. Puis bon, ce full set NES-là n'aurait pas été possible si on n'avait pas été poké sur la page Facebook de Arcade Montréal par un gars qui voulait nous vendre tous ses jeux NES. Et puis, j'étais allé chez eux une première fois en montant au WEG, parce que c'était dans le Nord. J'ai acheté plusieurs affaires pour booster ma collection NES. Je voulais pas faire de full set dans ce temps-là. Puis après ça, j'ai réanalysé ça dans le fond, puis toute sa collection était à vendre à prix bien correct. Fait que moi puis Fred Gemus, on a acheté tout le reste ensemble. C'est comme ça qu'on s'est bâti. Puis on a revendu tous nos doublons qu'on avait déjà de cette collection-là. Dans le fond, c'est le même qu'on a bâti. Ben Fred, ça l'a aidé à presque finir. Moi, ça a tout fait la base de mon full set NES, toute la merde que j'ai ramassée. Et puis, c'est ça. Donc, ce gars-là, Daniel, je me rappelle plus. En tout cas, fait qu'il nous a écrit, puis ça a comme... Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai fait le set NES. Sinon, je pense pas que je l'aurais fait. Il y a quelqu'un aussi, c'est une drôle d'histoire, ça. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Un homme, là, un monsieur plus âgé que moi, qui m'avait écrit il y a des années pour me dire « Ouais, j'ai genre une couple de boîtes là, de jeux et d'affaires Atari, tout ça. Je voudrais te donner ça. Là. Est-ce que je pourrais passer un moment donné? » J'ai dit « Ben oui, fais-moi signe. » tu sais. Puis j'avais pas de nouvelles. Puis j'ai comme oublié ça, bien sûr. Tu sais, comme on reçoit quand même pas mal de messages qui aboutissent pas. Et puis, c'est pas grave, j'ai oublié complètement ça. Puis une couple d'années plus tard, il m'a repoqué. Tu sais, « Hey, salut, c'était moi, je voulais te donner des affaires, là, je pourrais passer genre demain. » J'ai quand même, « OK, tu vas me donner des affaires. » Puis finalement, il m'avait donné genre des boîtes. Il est arrivé avec son truck, ses enfants, tout. Puis ils ont rentré dans ma maison. Une vingtaine, je sais plus quoi, de grosses boîtes pleines de jeux Coleco, Intellivision, Atari, plein d'affaires, là, vraiment, des consoles, Odyssey, un mélange de plein d'affaires. Puis j'ai publié ça sur Facebook, dans le fond, vous pouvez faire un search sur ma page, moi-même je vais aller voir, j'ai mis toutes les boîtes en photo, et puis bref, j'ai comme trié là-dedans, j'ai comme boosté. J'ai eu un léger vision avec beaucoup de jeux complets en boîte, des beaux jeux Atari. J'ai revendu l'Odyssée de tout ça. J'ai revendu beaucoup de choses. Puis ça m'a aidé à financer d'autres pièces, dans le fond. Fait que il m'a donné ça. C'était vraiment très apprécié. Et puis aussi, deux personnes... Vous êtes plusieurs à avoir fait ça. Deux personnes ont communiqué avec nous au cours des années pour nous vendre leur full set NES. Jean-François Dupuis de Collector Vision qui avait pas en fait un full set complet, mais à un moment donné il a décidé de vendre tous ses jeux pour travailler puis injecter ça dans son projet de Collector Vision. Et puis on a acheté tous ses jeux NES et puis une couple d'autres affaires, donc ça l'a donné un boost. Ça fait 6 ans, ça c'était 2 ans avant l'ouverture de l'arcade. Je sais pas si vous vous souvenez d'une photo qu'on avait genre que j'avais comme 6 Link's Awakening complets en boîte super clean. Ça venait de lui. Zef, Jonathan Simard, qui nous a vendu, dans le fond, son full set NES dernièrement. Lui, il voulait faire un full set Super NES complet en boîte. Finalement, il a laissé faire, il nous a vendu ça. Il a vendu son Sega Master System à un ami de la gang. Il a vendu, en fait, il a arrêté d'accumuler les objets pour se concentrer sur autre chose. Fait qu'il a vendu toutes ses affaires à nous autres et à d'autres. Donc, voilà une couple de personnes. Puis je sais qu'il y en a plus, puis il y en a plein qui nous écoutent, qui nous ont écrit pour nous vendre des choses, des parties de leur collection, bref. Donc, merci à tout ce monde-là. Comme je dis, je pourrais passer comme un épisode complet à creuser ma mémoire, puis à prendre des notes, puis à essayer de trouver tout le monde. Il y en aurait beaucoup, mais c'est ça la beauté d'une communauté de gens passionnés, tu sais, par un sujet précis, c'est que tout le monde sait, tout le monde se pointe dans la bonne direction, donc très plaisant. Je vais prendre une gorgée de café. Là, j'étais un peu fucké, j'ai entendu sonner. Le facteur est venu porter des choses. Ma conjointe est partie travailler sur place à son bureau. Mes deux enfants sont en haut, puis là, comme la sonnette, ça a sonné, puis là, les enfants galopent dans la maison, ils se demandent ce qui se passe. Ça doit être... j'ai acheté, dans le fond, beaucoup de jeux NES, et puis j'attends une batch de jeux NES puis une batch de jeux Wii pour Retro Montréal que je vais pouvoir tester, nettoyer ici avec les kids puis aller porter au magasin après. Donc, j'espère que c'est ça. Steph Côté. J'aime faire des trouvailles de jeux méconnus ou qui n'ont peut-être pas été appréciés à leur juste valeur. Qu'est-ce qu'on peut généralement trouver... Attends un peu. Et qu'on peut généralement trouver à prix abordable. Est-ce que tu aurais quelques suggestions pour le Sega Master System, Genesis, NES, Super NES, Turbo Graphics 7? C'est soudainement une petite question qui se transforme en grande question. Ça serait un peu trop long de répondre, Steph, pour être franc. Je veux... Ness, je vais en parler tantôt. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question. Et puis, je vais faire Ness. Master System, sérieux, je connais pas assez. Genesis, pas, des jeux pas chers. Je sais pas pour le Sega Master System. Genesis, vite de même, j'en ai un qui me vient en tête. Biohazard Battle, qui est un genre de shmup. Super NES, j'en aurais plein. Turbo Graphics, je suis pas assez connaissant de cette console-là. Désolé. Pour le Super NES, c'est ça, je passerai trop de temps à répondre à ça maintenant. Mais je vais peut-être faire l'épisode que, comme j'ai mentionné tantôt. Alexandre Chef, t'es-tu game de faire Sweet Home au NES durant un de tes prochains playthroughs? Ça, c'est un jeu, je me rappelle plus si c'est un homebrew ou si c'est un réel jeu qui est juste sorti au Famicom et qui n'est jamais sorti ici, qui est un genre de top-down jeu d'horreur au NES. Je connais pas beaucoup ce jeu, même si je l'ai vaguement entendu parler, mais ça a l'air d'être un genre de Resident Evil du NES, je sais pas trop, en top-down. Pas tant mon style, je pense pas que je le ferais malheureusement, Alexandre. Sam Dez, qu'est-ce qui te motive autant à collectionner? C'est quoi ton drive? Ça, je sais pas trop exactement, mais ce qui m'a... Ouais, moi, c'est la nostalgie en premier, puis je pense que c'est le point de départ d'à peu près tout le monde. Il y en a pour qui c'est l'argent, et puis faire de l'argent, puis qui jouent même pas. Ça, ça m'écœure quand même un peu, là, vraiment. Là. Ils sont tellement nombreux. Et puis, après ça, c'est moi qu'on traite de crotter, d'avoir des commerces, genre, de jeux vidéo, puis tout. Moi, je stream, je joue avec mes enfants, je collectionne, je pense à ces jeux-là tout le temps, je suis en amour avec, je joue, j'en parle, je fais des podcasts. Puis, il y en a qui font rien de ça, qui font juste vendre des cassettes, flipper des cassettes. Ça m'énerve. Mais moi, c'est la passion, la nostalgie, tout d'abord. C'est la nostalgie qui me pousse à collectionner des affaires comme l'intellivision, tout ça, parce qu'on avait ça chez nous quand j'étais petit. Et puis, une fois la nostalgie faite, tu sais, au début, t'as comme le « Ah oui, ça! » Puis là, ça c'est comme de la drogue, tu sais, ça c'est passé, ce sentiment-là. Puis là, t'en veux encore, tu sais. Donc, tu continues à creuser dans la console, puis là, tu te dis « Ah, ben, tant qu'à avoir tous ces jeux-là, je pourrais peut-être essayer d'avoir un genre de full set. » Ah, j'ai trouvé dans une vente de garage un Sega Master System avec une dizaine de jeux. On va me lancer là-dedans. Hein? Puis là, tu sais, comme ça se fait tout seul. Tu veux explorer, ben moi, c'est beaucoup l'exploration des jeux que j'aime. Tu sais, j'ai arrêté la 64 parce que j'aimais pas de jeux. Premièrement, j'étais pas nostalgique de ça. Puis j'avais pas de jeux là-dessus que j'aimais pour en avoir essayé une coupe. Et puis je me suis dit bon ben pas ça. Tu sais. La Sega Saturn, j'aime pour les shmups, donc c'est pour ça que je collectionne les shmups de Sega Saturn et les deux trois autres jeux, tu sais. C'est vraiment pour jouer aux jeux qui me ressemblent et aux jeux qui me font plaisir. Tu sais, j'aime la DS pour la simplicité et les beaux petits jeux qu'il y a là-dessus, mais les consoles portables du genre, ils ont des magnifiques RPG, tu sais, mais moi, j'explore pas ça. Donc. Moi, c'est vraiment la beauté de l'objet, la nostalgie, le plaisir de jouer à ces jeux-là puis à découvrir des bons jeux, tu sais. Mes meilleurs moments de collectionneur, c'est de découvrir des jeux NES, ma console préférée, de jouer à tel jeu. Je suis comme, ah, tu sais, jouer à Bucky O'Hare pour la première fois, je suis comme, Christ, c'est le fun. Fait que c'est pas mal ça, en fait. Puis, c'est ça qui me motive, mais moi, ça fait partie de ma vie. Tu sais, je pense toujours à ça, je baigne tout le temps là-dedans. Peut-être un peu trop, j'ai de la misère à décrocher, en fait. Puis, tu sais, j'ai pas d'autres passions. Je fais pas de l'alpinisme ou je suis pas comme. Je connais pas le vin. Tu comprends? J'ai pas d'autres passions que ça. Je fais d'autres choses. J'aime faire du sport et tout, mais. Tu sais, comme une passion me suffit parce qu'elle prend beaucoup de place dans ma vie. Puis moi, c'est celle-là. Pascal Provo. Des Hidden Gems pas trop chers sur NES. Là, j'ai pris des notes. Il n'y a plus grand-chose de caché au NES. Donc, il n'y a plus tant de Hidden Gems. Mais je vais name-dropper une couple de jeux que j'ai joués qui sont pas trop chers. Que je pense qu'ils valent la peine. Ils sont peut-être des fois un peu moins nommés, disons, comme jeu commun. Roller Games, excellent platformer de patins à roulettes. Rygar, un platformer aventure que j'adore. Strider aussi, hack and slash de Capcom. Vous avez vu ça, c'est pas hidden du tout, là, mais c'est des jeux pas chers, ça, qui sont vraiment bien. Kabuki Quantum Fighter, qui est un genre de action platformer à la Batman ou NES un peu. Très très bon. Little Mermaid, quel underrated jeu au NES. Très facile, très court, mais un soundtrack super bon et un excellent gameplay. C'est pas cher, c'est vraiment plaisant. Abadox, un shmup, genre qu'on voit en 2D, ben, qu'on voit side-scrolling et top-down. Donc pas facile, mais c'est un jeu de Rare. Excellent soundtrack et puis un jeu très intéressant. Gremlins 2. Là, je sais plus, là, Abadox, puis Gremlins, puis une coupe là-dedans, ça s'est rendu à quel prix? C'est pas à 100$, mais d'après moi, c'est en bas de 50$ encore, là, tu sais. Gremlins 2, c'est sûr que c'est en bas de 50$, en fait. Mais Gremlins 2, je sais plus, il est à combien? Tu as 20$, peut-être? 30? J'ai pas regardé dernièrement. Mais top-down, action, tu sautes de plateforme, soundtrack de feu. C'est un très bon petit jeu, très difficile. Gunsmoke est un excellent jeu. Faut jouer avec une manette turbo, par exemple. Bon, t'as trois axes pour tirer, puis ça reprend le jeu d'arcade. Et puis, moi, j'ai fait ce jeu-là il y a un an ou deux. J'ai eu bien du fun, sérieux, là, des power-ups et tout. C'est un peu répétitif, mais c'est pas compliqué. Tu te casses pas la tête, puis le gameplay est correct, tu sais. Donc, très bon petit jeu. Little Nemo de Dream Master. Je comprends pas pourquoi ce jeu-là n'est pas comme encensé. C'est un excellent platformer. Qui se passe dans un monde de rêve, c'est une franchise, c'est un film, c'est des comic strips, je pense qu'il y avait en Angleterre. Ils ont fait un jeu vidéo avec ça. Et puis, très cool platformer, où est-ce que tu prends le contrôle des petits animaux, puis faut que tu trouves des clés, c'est magnifique, bon soundtrack de Capcom. Donc, moi, ce jeu-là, man, je n'ai que du bon à dire de ce jeu-là. Puis, ça devrait être dans toutes les collections NES des gens. C'est un très cool jeu. MechKids, bien sûr, vous me connaissez. Super Spy Hunter, qui est un jeu peut-être hidden un peu, que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement. Et puis, ça, par contre, c'est peut-être un peu plus dispendieux. D'après moi, vite de même, ça doit être plus proche de 50 là, que de 20$, on s'entend. Mais j'ai bien aimé ce jeu-là. Un peu répétitif, là, mais la musique est bonne et puis l'action est bonne aussi. Je me rends genre à la fin puis j'arrive pas à le finir. Puis c'est un jeu qui me fait rager, ça. Là, il va falloir que je batte ce jeu-là un moment donné. Je vais peut-être le faire en stream, justement. Je checkerai ça. J'aime beaucoup. Totally Rad, genre de platformer que tu fais de la magie. Très cool jeu, la pochette est toute jaune, là, c'est magnifique, magnifique, c'est un beau jeu, bon jeu, c'est très rad dans le scénario, c'est comme hey, man, cool, yeah, rad, c'est un peu niaiseux à cause de ça, mais c'est pas mauvais du tout. Toki, le jeu de l'arcade singe là, qui crache, là. C'est, la version NES est très bonne, j'ai pas joué la version Genesis, la version arcade est tough, vraiment. Il y a eu un remake sur Switch qui est sorti il y a un an ou deux, là, avec un gros collecteur, là, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça juste avoir le jeu. Mais Toki, au NES, il est bien fait, il est bon, c'est ben correct, j'ai aimé ça. Publié par Taito. Wizards and Warriors, gang, c'est un jeu à 10$, 5$ même. Ça s'accumule partout, il y en a partout de ce jeu-là. C'est un excellent bon jeu, ça. T'as tout le temps des vies, tu recommences tout le temps où est-ce que t'es, donc tu peux pas finir ce jeu-là. Quand tu prends un continu, tu perds ton score, mais ça, on s'en sac. Le but, c'est de le finir, et puis la musique, elle est fun, le gameplay, il est correct, t'sais. Les niveaux sont quand même variés. C'est sûr, le background, c'est un vieux jeu, là. C'est du early NES, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Mais moi, je trouve que c'est un jeu bien fun, et puis pour le prix, ça vaut vraiment la peine. Willow, un autre jeu underrated, à mon avis, de Capcom. On peut s'y perdre quand même assez facilement. Moi-même, quand je l'ai terminé l'année passée, puis j'ai eu besoin de regarder sur Internet une fois ou deux, là, quand même. Mais j'étais content, je l'ai fait au complet. Puis je me suis aidé là, un peu, mais pas trop. Et puis, parce que des fois, ça fait un peu pas de sens. Puis je me suis dit, hey, oui, je le trouverai le chemin. Mais je vais pas mettre là, 30 heures là, dans ce jeu-là, rien que pour le trouver par moi-même, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, quand je sais que c'est juste une question de gossage parce que le jeu est mal fait et que je trouverai le chemin tôt ou tard, et puis, des fois, je vais voir sur Internet et je triche un peu. Puis trois jeux, je vais en nommer trois derniers que j'aimerais essayer cette année, qui sont très bons, paraît-il. Clash at Demon Head, Crystalis, et puis qui est un genre de... les gens le comparent beaucoup à Zelda, et puis Zelda 2. Et puis Isolated Warrior, qui est un jeu 2.5D, shmup, là. Fait que c'est pas mal ça, mais il y en a tellement d'autres. Attends un peu, faut que je réponde à ce gars-là. Tiens, mon avocat qui m'écrit. Là, c'est un de mes amis qui est avocat, puis il faut que je fasse de quoi pour lui. Fait que plus tard, maître. OK, donc c'est pas mal ça, mon Pascal, ça va être ça pour aujourd'hui. Mais tu sais, encore une fois, si je passais tous les jeux NES un par un, je me disais, ah ouais, lui. Il y en a vraiment beaucoup, c'est pour ça que j'aime la console. Gabriel Landry, j'imagine. J'aime bien les Unreal Shooters sur Wii. Est-ce que c'est un type de jeu qui va disparaître selon toi? On dirait qu'il s'en fait plus. Moi, je pense effectivement que la Wii est la dernière console qui a vraiment donné sa chance aux Rail Shooters parce que ça se fait bien comme ça. La Switch pourrait très bien le faire. De mémoire, j'en connais pas, du moins physique. Peut-être qu'il y en a plein dans le store et puis que j'ai pas regardé. Je magasine jamais dans le store, en fait. Moi, j'achète les jeux physiques seulement. Pas parce que je snob des choses ou whatever. J'ai des en masse de jeux physiques pour jouer pour un méchant bout. Fait que je vais pas dans le store pour acheter plein de petits jeux en plus pour lesquels je sais que j'aurai pas le temps de jouer. Donc, c'est un style, effectivement, qui est bien plaisant. Puis moi, j'en ai beaucoup sur Wii. Puis comme c'est un de mes projets Wii, d'acheter tous les bons rail shooters là-dessus puis les faire de temps en temps avec des amis. Donc, peut-être. C'est un style qui se perd, hein, comme les Brick Breakers. C'est un style qui se perd. Simon Lahaye dit, un peu dans le même sens que la question de Sam Dess, quand tu collectionnes, est-ce la désirabilité est liée à la rareté? Oui, je peux avoir le désir d'une chose pour la rareté. Cependant, tu sais, NES ou Game Boy, je vais payer parce que je les veux toutes. Mais mettons, au Super NES, il y a des jeux de marde, comme les fucking jeux de dinosaures, là, Bronky et je sais pas quoi. Là. Toutes ces affaires-là, c'est pourri, ces jeux-là, puis ça vaut cher. Ben là, je veux pas ça, tu sais. Du moins, je vais pas payer. Si je le trouve à 50% de la valeur, je vais l'acheter. Mais je vais probablement le revendre pour m'acheter autre chose que je désire vraiment. T'sais. Donc, je dirais que non. Rareté, je le garde, oui, quand je le trouve dans la nature ou que ça m'arrive entre les mains pour pas cher. Puis que c'est pour, mettons, Atari 2600, j'ai quelques jeux de merde, mais qui sont comme pas mal rares puis qui valent cher. Ça, je les garde parce que je trouve que c'est des objets cool, tu sais, d'avoir. Fait que, ouais, rareté, la désirabilité liée à la rareté, ça se fait pour l'Atari 2600, dans mon cas. Jim Jandron me demande, ton meilleur jeu de NES et Super Nintendo et Game Boy et Atari, c'est ben trop... Puis il me demande aussi ta meilleure surprise Switch, selon toi, cette année. Encore une fois, de tous les jeux qui existent, il y en a trop à répondre. Il y en a trop, désolé, je ne sais pas. Les Super NES, j'ai comme un top 20, là. NES, j'ai un top 50. Atari, souvent Hero revient souvent comme un des ultimes jeux. Pressure Cooker, j'aime beaucoup. Mais tu sais, encore une fois, j'aime Phoenix. J'aime plein d'affaires. Game Boy, même chose. Castlevania 2 me vient en tête en premier. Puis ma meilleure surprise Switch pour moi, moi personnellement, à date, c'est Blasphemous, bien sûr. Mais tu sais, comme je joue beaucoup à la Switch présentement, puis j'ai plein de petits plaisirs. Donc, il y en aura d'autres cette année. Moi, c'est Blasphemous. D'ailleurs, rien que pour en parler vite, je sais que chez Retro Montréal, cette semaine, on a publié qu'on a reçu des jeux neufs, puis on les reçoit, puis on a malheureusement juste pu avoir un seul Blasphemous. Quand c'est disponible chez nos fournisseurs, on les achète toutes, tu sais. Toutes les Time Spinners, toutes les Blasphemous, toutes les affaires qu'on sait que vous voulez, puis qui sont populaires, mais on peut pas. Souvent, il y en a juste un ou deux en stock, tu sais. Fait que là, ce fois-là, il y en avait un. Ben, on l'a acheté. Il y a du monde qui surveille notre site web de façon accrue. Fait que la minute qu'on l'a publié, il y a quelqu'un qui l'a acheté tout de suite. Puis là, ben, il était plus disponible pour les autres, genre 5 minutes après ou 2 minutes. Tu sais, comme ça va super vite, ce jeu-là, tout le monde le désire. Donc, c'est pas parce qu'on veut vous faire chier ou qu'on invente des affaires. Le jeu, on l'avait, on l'a mis en ligne et c'est vendu à l'instant. Il y a même des gens qui achètent les jeux avant même qu'on fasse la publication Facebook parce qu'ils checkent notre site web puis ça donne qu'on vient juste de rentrer le jeu, on n'a pas eu le temps de faire la photo encore. Fait que bref, tu sais, comme ça peut aller très, très, très, très vite. Donc, on essaie. C'est pas parce qu'on veut vous gosser. C'est le monde, il y en a qui catchent notre façon de fonctionner. Fait qu'ils sont vite sur le piton. Donc, voilà. David Richard, quelle sera la valeur approximative du set complet NES après l'apocalypse? Après l'apocalypse, si on parle de après le COVID, d'après moi, ça va être le même prix qu'avant. Ou peut-être même plus, en fait. Je pense qu'on va en reparler plus tard dans une autre question. Si la vraie question derrière ça, c'est combien vaut un set NES, je me demande si c'est pas autour de 20-25 000. Là, c'est sûr, si tu rajoutes Stadium Event, tu rajoutes un 15 000, là, disons, là, pour être... pour mettre un petit chiffre. Donc, mettons qu'il n'y a pas de Stadium Event à 15-20 000, qui vaut autant que le set au complet, tu sais. Donc, non, je pense que ça peut valoir entre 20-25 000, là, me semble. Sous toute réserve, j'ai pas vérifié ça dernièrement. Bruno Chagnon, ton top 3 de grugeage de viande. Ça, c'est bon, ça. Si vous écoutez Rétro Nouveau, je me suis ouvert et puis j'ai mentionné que j'aime gruger la viande sur l'os. Donc, il dit, ah non, c'est une joke. Je vais répondre quand même. J'aime bien gruger les os de... Mes os préférés, ben, tu sais, les pilons de poulet, mais ça, c'est comme facile, là. Le steak, là, comment ça s'appelle, là? Ah, man, je connais pas mes coupes de steak. En tout cas, le steak, le porc. C'est tout bon. Je gruge toutes les os, man. Ma blonde, elle haït ça. Ouais. Est-ce que tout le monde a fini? Ouais. Moi, je desserre les assiettes, je vais dans la cuisine. Je gruge les os. Là, comme le morceau, la pièce de viande est là, le jambon, le poulet. Je vais le dépecer, puis je vais ranger la viande. Je suis comme un animal, puis je gruge tout ça. Puis je jette les carcasses. Puis voilà. Je mange le gras, je mange le... Pas le cartilage, mais les ligaments. Tu sais ce qui tient le muscle? À l'os. Il y en a des bouts de ça là, dans du poulet. Là. Je mange ça. C'est super bon. La peau, tout. Ouais, j'ai besoin de ça. Moi, je suis de même. Mais sa vraie question à Bruno, il voulait des tips, des trucs pour The Messenger qu'il vient de s'acheter. J'ai pas de trucs vraiment sérieux à part juste comme faire le jeu puis à force de jouer, t'améliores tes skills dans le jeu. Moi, j'ai pas eu de trucs, tout ça. J'ai ramassé toutes les pinouches vertes, là. Ça vaut pas tant la peine, pour être franc. Par contre, ça vaut la peine pour le DLC qui suit après. Mais j'ai pas de truc à The Messenger. Donc, partir le jeu et enjoyer la ride. Mettez en québécois aussi. D'ailleurs, Sea of Stars, que de Sabotage Studio a annoncé dernièrement, c'était dans leur prochain jeu, les gens qui ont fait The Messenger, Studio de Québec, et puis ils kickstartaient, ils voulaient, je pense, 300 000, puis ils ont eu 1 million en une journée, je sais pas quoi. Tout le monde est comme, yeah! Pitch leur argent là-dessus, ça va être un genre de RPG, Chrono Trigger, Secret of Mana-esque, magnifique. Ils ont même le compositeur de Chrono Trigger qui va faire de la musique là-dessus. Puis on m'a dit que c'était un genre de prequel dans l'univers de The Messenger. En tout cas, c'est pas nécessairement un style que moi j'aime ou que je veux mettre du temps dessus, mais j'aime voir que là ils ont fait genre un hack and slash, puis là ils font un RPG. Je suis comme nice, tu sais. Point and click la prochaine fois, tu sais. Brick Breaker, je sais pas, mais j'aime qu'ils explorent les styles. Puis ce qu'ils viennent d'annoncer là, c'est magnifique. Puis écoute, ce studio-là, ils vont avoir beaucoup de succès. Donc bravo à Sabotage Studio à Québec. C'est une fierté. Soyons fiers des succès comme ça. Junior Charlebois, des anecdotes vécues avec ton commerce rétro MTL, achat, vente, etc. Des anecdotes, ça, il y en a sans arrêt. D'ailleurs, on aimerait vraiment... S'il y en a qui nous écoutent, là, qui sont producteurs ou je sais pas quoi, à ma TV ou n'importe quel channel, là, on veut faire une télé-réalité là, sur la vente de jeux dans un magasin de cassettes, là, voir c'est quoi le day-to-day. Là. T'sais, ils font pour Pawn Stars, puis les Pawn Shops, puis tout ça. Je vous dis, ça serait intéressant pour la vente de cassettes parce qu'on a toutes sortes de clients, vraiment, au téléphone, par email, en personne. Genre de vieux monsieur tout croche qui nous demande son où nos films 3X, une madame pas dedans, qu'on comprend rien de ce qu'elle dit, qu'elle achète tout le temps un ou deux jeux de DS, le gars qui lave les fenêtres, qui est comme on pensait un itinérant, mais non, il lave vraiment les fenêtres. tu sais, c'est toute une faune de gens, là, tu sais, de tout. C'est fascinant. J'ai jamais vu autant de variété de gens dans ma vie. Et puis, on a des clients habitués, tu sais, comme... C'est drôle, là, on les connaît. Et puis, mais il y a tout le temps des surprises. Ça, c'est bien comique. Puis je pense que ça ferait de la bonne TV si ces gens-là... Peut-être pas pour rire d'eux, mais pour voir, tu sais, c'est dynamique, c'est le fun, il se passe de quoi, on s'amuse, et puis c'est tout dans le respect, ça, là. Et puis, c'est des moments cocasses parfois, et puis, c'est ça, des enfants, on a eu des enfants qui venaient avec leurs parents, des enfants qui ont bien de la drive, posent des questions, tu sais, ça, c'est cool. Et puis, un moment important, c'est un moment du moins spécial, c'est quand on a pu aller au Game Zone de Verdun, comme aller faire un raid là-dedans après que ça ait déjà été raidé à 70%, disons. On est allé ramasser un 20% de ce qui traînait dans ce sous-sol-là. Et puis, on a laissé là, des affaires qu'on pouvait pas. Puis ça, ce qui est drôle, c'est qu'on a laissé un paquet de consoles defect parce que là, on peut pas ramener ça. Des PS1, il y en avait une cinquantaine, des Xbox et tout. Puis comme deux semaines avant la crise, ou une semaine avant la crise, il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire « Hey, j'ai des dizaines et des dizaines de consoles, je vous amène ça, comme 80$ pour toutes. » Je suis comme « OK, viens-t'en. » Puis là, quand il est arrivé, je suis comme « Ah, j'ai allumé. » C'est un autre gars qui est allé au Game Zone, qui a ramassé tout ça, puis là, qui vient nous le vendre. Fait que les cochonneries du Game Zone sont rentrées chez nous, mais on a pu réparer une couple de consoles jusqu'à la date, donc c'est bien, on a rentabilisé ça, mais ça prend de la place, puis... La majeure partie de ça va finir à l'éco-centre, mais tu sais, c'est ça. Tout filmer ces affaires-là qui arrivent, tu sais, quand on est allé raider le Game Zone, tu sais, comme quand je suis allé à Gatineau acheter un lot, il s'est mis à neiger, tu sais, plein d'affaires. Ça serait fascinant pour vrai, ça serait vraiment le fun. Donc, s'il y a des gens là, qui sont dans la télé, qui seraient intéressés à un projet du genre, on peut travailler ça avec vous autres, je peux faire du visuel aussi, bref. Je pense que il y a plus depuis que Monsieur Net est terminé, il y a plus tant d'affaires sur les jeux vidéo à la télévision. Tout le monde fait du web, bien sûr, hein? Mais crime, ça serait le fun de quoi te dédier, là, tu sais. Moi, je rêve de ça. C'est pour ça que j'ai parti une plateforme Patreon, tu sais, ça va peut-être naître à quelque part, ça, à un moment donné. Moi, je lance des perches, ça, je fais dans la vie, puis à un moment donné, whoop, il y a de quoi qui embarque, puis un projet naît, tu sais. C'est ça que je fais. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Fait que si vous voulez la télé, là, appelle-moi. On ferait ça drôle. François dit Cantine, quel est ton plaisir coupable, le jeu que tu aimes, mais en cachette? Little Mermaid. Au Game Boy aussi, qui est exactement comme la version NES. Jeff Mascotte, pour jouer au NES, il y a bien sûr la NES classique, mais encore la Famicom, un chargement sur le dessus, la Retron, nanana. Donc, que choisir et quelles sont les meilleures options côté fiabilité pour arrêter de souffler dans la cassette? Un épisode sur les consoles de remplacement. Ouais, moi j'ai eu, puis je l'ai encore, un top loader modifié en composite. Les top loaders sont juste ARF à la base, puis en composite, c'est le fil jaune, rouge, blanc. En fait, rouge et blanc, c'est le son, puis jaune, c'est le vidéo, tu sais. Et puis, donc, tu peux jouer avec ça. Mais moi, j'ai eu une Retro 5. À un moment donné, je trouvais que c'était de la calice de merde. Ça allait tout croche, cette affaire-là. Il y a du monde qui aime bien ça. Moi, j'aime pas ces machines-là du tout. C'est du plastique cheap. C'est comme... La cassette. Les manettes, c'est une calamité. Donc, j'aime pas ces machines-là du tout. Donc, moi, NES original, à tout le moins. Et puis, top loader, mais ça commence à valoir cher. Là. Le monde, il aime ça, ces machines-là. D'ailleurs, moi, j'utilise une analogue Mini-NT maintenant. Puis, c'est quand même une machine qui coûte très cher puis qui est plus tant disponible. Puis, encore une fois, je dis pas ça pour me vanter que j'ai des affaires chères. Je me paye. Moi, je voyage pas. Puis, je me paye ces affaires-là. Mais c'est une machine qui fonctionne très bien. Puis ma bonne vieille top loader NES modifiée composite, que j'ai fini des jeux là-dessus pendant des années. C'est comme... On a tellement vécu de choses ensemble. Je me demande si je ne vais pas la vendre maintenant que j'en ai plus de besoin. Peut-être. Mais écoute, moi, pour répondre vraiment à la question, je préfère toujours les produits originaux, peu importe la console. Guillaume Lucier Poirier, es-tu un amateur de la console Wii U? Quel est ton meilleur jeu si c'est le cas? Pas amateur de Wii U, j'ai eu une Wii U, je m'en suis jamais servi, j'ai vendu tout ça. Aucun intérêt pour la Wii U, je connais pas les jeux là-dessus. Fait que non. Marvin Wayne, quand tu parles de Skate or Die, tu fais souvent allusion au punk que tu écoutais. Je me demandais quelle band en particulier ou album, et présentement tu écoutes quoi? PS, Blind Melon n'est pas accepté comme réponse. Ça, c'est une joke à Rétro Nouveau. J'aime ça quand les gens ils font des liens avec Rétro Nouveau. Ça veut dire qu'ils écoutent un peu partout. Donc, merci Marvin de commenter, de suivre et d'écouter nos affaires. Le punk. Moi, le punk, j'ai découvert ça. Moi, j'écoutais du hair metal, du glam metal, Motley Crue, tout ça. Et puis, un jour, quelqu'un m'a... je skatais quand même à cette époque-là en écoutant ça. T'sais, j'étais jeune. Comme pré-ado. Et puis, un gars de Québec est venu à Saint-Joseph-de-Beauce, mon village natal, puis ils ont fait une rampe de skate, man, à Saint-Joseph. C'est très bizarre. On avait comme deux, trois personnes qui skataient, tu sais. Ils ont quand même bâti ça. Fait que des fois, il y avait du monde qui venait, puis un gars de Québec qui est venu, parce qu'il avait un grand-père à Saint-Joseph aussi, puis il m'a fait écouter la cassette enregistrée, tu sais, une copie, dans le fond, de l'album de NoFX, White Trash, Two Heaps and a Bean. Et puis là, c'est une porte s'est ouverte sur un monde incroyable. Donc, cet album-là, pour moi, de NoFX, est Sticking in My Eyes, Sold Out, Bob, pas Thelma et Louise, mais les deux filles, là. Man, cet album-là, c'est très, très, très important. Ça m'a défini beaucoup, cet album-là. Ça m'a fait comme, wow, ça existe, ça, cette musique-là. Comme fini le metal cheap, là c'est comme punk rock, et puis j'ai embarqué là-dedans full pin. Après ça, Bad Religion est un band que je continue à... j'écoute plus vraiment les nouveaux albums NoFX, là. J'écoute plus de NoFX, j'ai pas mal arrêté à l'album jaune, là, comment est-ce qu'il s'appelle, non, je me rappelle plus. En tout cas, je suis allé les voir au Metropolis, puis la tune Seeing Double at the Triple Rock. The War on Errorism aussi, j'ai écouté beaucoup. The Separation of Church and State. Tu sais, ça, c'est comme le plus récent NoFX que j'ai écouté. Là. Après ça, j'ai complètement décroché. Même chose pour Bad Religion. New Maps of Hell est pas mal le dernier album auquel j'ai donné une chance. Sinon, il y a une couple d'albums après que j'aime une toune de temps en temps, mais je suis plus passionné de ça. Mais les vieux albums de Bad Religion, j'ai commencé Bad Religion avec Stranger Than Fiction. Puis après, pas longtemps après, il est sorti de Grey Race, puis là, man, j'étais là-dedans. Man, il y a de quoi dans Bad Religion? C'est drôle comment je parle des fois des jeux de NES gris industriel, là, comme Shadow of the Ninja, Shatterhand. Stranger Than Fiction, l'album, la pochette, est toute grise, tu sais, puis c'est très... Il y a un fond là-dedans de... Je sais pas, man, quand j'écoute ça ou que je regarde ça, il y a comme de la pluie grise qui tombe devant un fond d'industrie. C'est très visuel dans ma tête, tout ça. Puis tout ça se connecte, tu sais. Fait que The Grey Race puis Stranger Than Fiction, c'est comme... Ça me fait penser à ça. Puis ça, j'étais à mon pic, là, d'adolescence, là, 15-16 ans, là, où est-ce que je skatais, on fumait du weed, on buvait de la bière, on allait sur le pouce, on allait voir des shows à Québec, on... Ça, c'était la bonne adolescence, là, rebelle, là, dans le fond. À cette époque-là aussi, j'écoutais beaucoup de Face to Face, Pennywise, que j'ai commencé avec The Unknown Road. About Time est sorti pendant que j'étais au secondaire, me semble, j'ai adoré. Puis après ça, j'ai reculé à écouter le premier album de Pennywise. Donc, les trois premiers albums de Pennywise, full là-dedans. Trashed de Lagwagon aussi, beaucoup. Écouter cet album-là. Et puis après ça, quand je suis arrivé au cégep, je me suis fait un ami qui venait de Rimouski, qui écoutait du punk. Et puis, il m'a fait découvrir Millen Collin, que j'ai adoré. Lui, il écoutait plein d'affaires dont j'avais jamais entendu parler. MXPX, 88 Finger Louis, mille choses, tu sais. Fait que j'ai surfé un peu là-dedans. Mais à cette époque-là, j'ai transféré aussi beaucoup. J'écoutais un peu de rap aussi en même temps que de punk quand j'étais au secondaire. Puis quand j'étais allé au cégep, je skatais plus. Fait que là, j'ai comme transféré, puis je suis tombé vraiment à hip-hop, rap, all the way. Puis je vais en parler tantôt parce qu'il y a une question par rapport à ça. Donc voilà, ça ressemble pas mal à ça. Benoît Landry me demande, comment toi et Bruno vous êtes connus et les débuts de Rétro Nouveau? On s'est connus via un ami commun qui s'appelle Sébastien Houd, Seb Brutal qui est derrière le projet Boulevard Brutal avec Bruno. Et puis j'ai travaillé avec Seb, j'ai quitté Juste pour rire, je travaillais pour Juste pour rire et puis j'ai quitté ça parce que j'étais très malheureux et puis c'est un contact qui m'a envoyé là, qui m'a fait connaître Seb. Fait que Seb m'a fait, voyant que j'aimais les jeux vidéo, m'a connecté un peu avec Bruno qui à cette époque-là était à Monsieur Net. Et puis, on est allé voir les trois ensemble. Excusez, il y a un message qui est apparu, je l'ai lu. On est allé voir les trois ensemble le show de Motorhead, me semble, Good Times. Et puis, c'est là, entre deux shows, c'était entre Motorhead puis Révérend Horton Heat, qui était très bon en passant, c'était bon. Là. C'est là qu'on s'est mis vraiment à parler jeux vidéo puis tout, puis bon. On s'est connus un peu plus, puis là, le podcast, là, je résume ça très vite parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de questions, puis ça fait déjà une heure que je parle, puis il faut que j'aille m'occuper des enfants. Mais c'est ça, on a commencé tranquillement à se parler, puis il y a eu un rise des podcasts à un moment donné au Québec, et puis on a voulu faire partie de ça aussi, on trouvait que c'est une plateforme intéressante, et puis on s'est lancé carrément, comme ça. Et puis, en sous-question, il y avait, et pour compléter, comment on a rencontré JF. JF, à un moment donné, moi et Bruno, on voulait ajouter du visuel à ça. Fait qu'on a juste fait un call sur Facebook ou je sais plus où. Puis, JF a répondu parce que JF il écoutait notre show parce qu'il aimait les jeux vidéo, donc on se connaissait pas. Il est venu avec sa caméra, puis il a filmé pendant que moi et Bruno y parlaient, puis ça a commencé comme ça. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait 8 ans, peut-être. Ben, 2011. Et puis peut-être, ouais, 2010, 2011, je me rappelle plus. Et puis ça a commencé de même. D'ailleurs, allez voir le Twitch de Rétro Nouveau. On passe en loop présentement tout ce qu'on a fait de vidéos. Il y a des vieilles affaires là-dedans. Vous allez voir toute la genèse de Rétro Nouveau. C'est vraiment intéressant. JF, il a tout setupé ça. Tu deviens millionnaire. Jean-Michel Racine. Tu deviens millionnaire demain matin. Quel full set te partirais-tu juste pour le fun? Super NES, c'est un set que j'aimerais full, puis qui coûte très cher. J'aimerais ça avoir un NES Super NES Game Boy. Mais je vois là, je fais le Game Boy, le NES est fait. Ben, si j'étais millionnaire demain, j'achèterais Stadium Events pour finir officiellement le set NES. Je ferais Super NES, je finirais Game Boy et je finirais Intellivision CIB aussi parce que ça me coûte, ça coûte très cher finir ça pour moi présentement. Des milliers de dollars pour avoir des jeux CIB qui sont très rares, très durs à trouver sur eBay. Donc, c'est un set, ça, qui dort. Patrick Guilbeault, j'ai une question. Il y a combien de jeux de Star Wars avant l'ère du PS2, si le cœur est en dit? Désolé, Patrick, ça serait... J'ai aucune idée. Faudrait googler ça. Seb Lam, on parle souvent des jeux de notre enfance, mais j'aimerais que tu parles de tes jeux d'étudiant. À quoi tu jouais au cégep, université? Quelle place prenaient les jeux dans ta vie? J'ai arrêté de gamer. Je jouais au NES Super NES chez nous en Beauce quand j'ai quitté pour le cégep de Sherbrooke. J'avais vendu tout mon Super NES et mes jeux pour m'acheter un snowboard, pour faire du snowboard parce que tout le monde faisait du snowboard et je regrette amèrement cela. J'avais emmené mon NES, par exemple, tout ce que j'avais. Ma sœur m'avait passé un ordinateur aussi. Fait que j'ai joué à Command & Conquer sur PC dans ce temps-là, puis j'aimais ça au bout. Sinon, j'avais emmené ma NES, et puis avec les jeux que j'avais. Donc, puis j'ai pas joué à grand-chose. Je me rappelle avoir acheté Castlevania Loose, Castlevania 1. J'ai joué à ça. Moi, j'avais le 3 seulement. Par contre, à un moment donné, la PlayStation est apparue. Et puis, je me suis acheté ça parce que j'avais pas de fun à jouer à la 64. Et puis, Symphony of the Night est embarqué. J'ai embarqué là-dedans full pin. Donc, j'ai fait beaucoup de Symphony of the Night. Et je joue à Tekken 3. Donc, je torchais tous mes amis à Tekken 3. Puis là, ben, j'ai ramené ma console l'été, tu sais. Puis quand je retournais au cégep, j'amenais mes affaires, puis je torchais mon coloc. Là, il y avait comme personne pour m'accoter à Tekken 3, fait que là, je jouais tout seul. Fait que j'ai joué tout seul à Tekken 3 beaucoup. Donc, cégep pour moi, ça a été PlayStation 1, vraiment. Tekken 3, Legend of the Dragon, Castlevania Symphony of the Night. Ouais. Puis à l'université, j'ai ressorti ma NES, que j'ai toujours gardée. Et puis là, je me suis remis à rejouer à des vieilles affaires, comme Galaxy 5000. J'ai eu une bonne run de Galaxy 5000, ouais, puis je joue Castlevania, tout ça. C'est un peu à ce moment-là que quand je voyais un jeu pas cher ou un jeu que je voulais essayer, ben je l'achetais puis je l'essayais, tu sais. Ça a commencé un petit peu dans ces moments-là. Et puis tranquillement, sans avoir de désir précis, tu sais, comme j'avais une NES, comme j'avais un autre objet, je m'en crissais. Je n'étais pas dans les jeux vidéo vraiment là, de façon passionnelle. J'avais une PS2, puis j'ai joué beaucoup à Gran Turismo 3, qui venait avec. Fait que j'ai joué beaucoup à Gran Turismo 3, à faire les courses, c'était long, gagner du cash, gagner le char, monter un garage. J'ai fait beaucoup ça. Des fois, je jouais des jeux au Blockbuster, coin Mont-Royal, Saint-Denis. Et puis, mais j'ai pas exploré la PS2. Puis j'avais plus le temps vraiment là. Fait que ça ressemble pas mal à ça pour ma vie de gamer à l'école. Steph Coots, est-ce que les prochains jeux 2D reviendront en force dans le futur comme Bloodstained, Cuphead, Red Rogers, toutes des bons 2D qui est supérieur au 3D? Pourquoi n'exploite-t-il pas vers ses engines? C'est une drôle de question. Moi, je pense que tout existe présentement. Les AAA font des jeux incroyables. Les petits développeurs n'ont pas le budget. Fait qu'ils font des jeux 2D. Tout le monde cohabite. Il y a de tout. Et on est heureux pour ça. Étienne Laurendeau a une question intéressante. J'ai-tu répondu à ça? Ouais. Top 5 rappers. Ça, c'est drôle. Parce que, comme je disais préalablement, j'ai écouté beaucoup de rap aussi. Donc là, si tu parles de rapper en tant que rapper, de lyriciste, tu sais, je vais y aller avec les époques et les affaires que moi j'ai connues. Tu sais, j'ai pas écouté, je suis pas assez vieux pour avoir écouté Rakim et puis le vrai vieux old school hip-hop, là. Je connais pas bien ça. Fait que des affaires que j'ai écoutées dans mes rappers préférés que je trouve qui ont du talent pour rapper puis écrire. En premier, bien sûr, Tupac, Eminem, Redman, qui est comme le hidden gem du rap, Dub-C, WC, parce que ça, c'est dans l'Ouest, West Coast, LA, excellent rapper, sérieux. Son album de Shady-S1 est vraiment, vraiment bon. Il faisait partie aussi de West Side Connection avec Mac 10 puis Ice Cube. Puis, il a fait une track à un moment donné pour Gangstar, le remix de... Ah, man, comment il s'appelle? Quelle toune? Le remix d'une toune, en tout cas, avec justement Rakim, et puis Guru, puis Dub-C. Man, la toune est bonne, là. C'est sur Full Clip, sur le deuxième CD de Full Clip. Bon, allez écouter ça. Et puis J-Ru de Damaja, excellent rapper, vraiment un gars de génie, qui a jamais été comme... je pense qu'il est respecté de tout le monde, mais tu sais, c'est pas une vedette, il est pas allé à MTV. Et puis, je vais juste dropper une couple d'albums. Si la question, par exemple, c'était quoi mes meilleurs albums rap, je vais en dropper une couple. Doggy Style de Snoop Doggy Dogg, bien sûr. Un album que j'ai écouté avec The Chronic de Dr. Dre, bien, j'ai écouté ça à fond. Mobb Deep, The Infamous. Ça, là, c'est dans le East Coast. Mobb Deep, The Infamous. Midnight Marauders de Tribe Called Quest. Quel album incroyable. J'ai écouté cet album-là, là, je l'écoute encore. C'est bon, c'est tout bon. Illmatic de Nas, excellent album. Life After Death de Notorious B.I.G., un bel album. Tupac, All Eyes on Me, bien sûr. Temples of Boom de Cypress Hill, C'était, on a tous écouté beaucoup Black Sunday, mais Temples of Boom, ils ont comme fait autre chose, c'était lugubre. Cet album-là, il y a une saveur, là. J'adore cet album-là. Ill Communication, les Beastie Boys, bien sûr. Liquidation, un choix peut-être surprenant, Liquidation, The Alcoholics, est un album très funky, très le fun, que j'ai beaucoup aimé et que j'aime écouter encore de temps en temps. Et puis, peut-être de quoi à part, Metek et Matt de Akhenaton, qui est un album splendide. Un album incroyable, complet, bon, intelligent. Quel grand album! J'ai beaucoup plus écouté ça que L'école du micro d'argent de Hagen. Je vais peut-être skipper une couple de questions là, parce qu'on manque de temps. Rémi Chabot, est-ce que tu penses que le prix des jeux rétro vont baisser dans les prochains mois à cause de la situation actuelle? Si oui, à quel point ça peut affecter la boutique? Moi, je pense que ça va être l'inverse. Présentement, les gens se garochent sur les jeux vidéo. Le monde sont en train de flipper des Switch à 600$ sur eBay, des Ring Fit Adventure à 200$. C'est dégueulasse, les peddlers puis les vendeurs de cassettes, là, présentement, comme qui essayent qui arnaquent le monde, tu sais. Tout le monde, présentement, c'est ça. On le voit, là, au magasin, on vend du stock. Pendant que je vous parle, j'ai vu plein de messages popper des ventes qu'on a faites. Et puis, on vend toutes les consoles qu'on avait qui dormaient, ils partent. Tout se vend. Atari 2600, Vita, Genesis, name it. On n'a plus de 64 depuis longtemps. Tout vend présentement. Le monde sont confinés, ils achètent des jeux vidéo. Fait que ça monte la valeur des jeux. Cependant, le dollar canadien vaut pas de la merde. Fait que ça peut faire mal. Mais moi, je pense que c'est l'inverse. Présentement, les jeux, ils prennent la valeur. Donc, puis je crois pas du tout à un crash de la valeur des jeux vidéo ou désintéressement global qui va faire que ça vaudra plus rien. Je crois pas en ça du tout. Simon Terrien, quelles sont les consoles que tu possèdes dans ta collection en ce moment et ton meilleur jeu pour chaque? Je veux pas nommer un meilleur jeu pour chaque parce qu'il y en a trop, mais ça m'a donné le goût de voir qu'est-ce que j'avais comme console. Fait que voici les consoles que je possède. Analog Mini NT, ça c'est ma NES. Analog Super NT, ma Super NES. Analog Mega SG, que j'utilise pour Sega Master System, Sega Genesis et Sega CD. PS2, qui est modé pour jouer tous les jeux PS1, PS2, gravé, japonais, tout ce que tu mets dedans, elle prend. PS3, qui est dans le garde-robe et que je vais sûrement vendre. Wii, Atari 7800, modé S-Video pour avoir une belle image, qui fait le 2600 aussi. Atari Jaguar, qui est dans un bac parce que j'ai vendu tous mes jeux, j'attends la flashcard. ColecoVision, que j'ai un peu de problème avec ma console, j'ai un flashcard aussi pour ça. Intellivision modèle 3, Sega Saturn, les jeux Vision, j'ai une Game Boy Advance SP, la 101, là, elle qui est rétro-éclairée, que je vais vendre quand je vais avoir l'Analog Pocket. Une Nintendo DS Lite, une New Nintendo 3DS XL, la version Super NES, qui est vraiment magnifique. J'ai toutes les Game Boy Play It Loud, donc la série rouge, vert, jaune, noir et translucide. Et Vectrex avec une flashcard et mon arcade de Kix. Donc c'est ce que j'ai pour l'instant. Il y a des affaires là-dedans qui vont partir lorsque l'Analog Pocket va exister. Puis on va voir, mais là je suis satisfait avec ce kit-là. Marc Gravel, meilleur jeu de skateboard, moi étant ancien planchiste. Là je veux juste vous montrer un jeu que j'aime beaucoup. Skateboarding au Atari 2600, qui est un jeu que quelqu'un m'avait prêté quand j'étais petit. Moi, j'ai commencé à skater quand même, genre en 5e année, là, au 4e, avec des gros skates laits comme ça qu'on achetait aux Alleuses. Dominion Skateboard, ça allait tout croche, mais je me promenais en skate. Puis ça, quelqu'un m'a prêté ça, je suis comme « Yeah! Skate! » Fait que ce jeu-là, tout rose, tout de cette époque-là, j'affectionne particulièrement ce jeu-là sur Atari 2600. Il y a Super Skateboarding qui existe sur Atari 7800 de Absolute aussi, la même compagnie, que j'aimerais avoir complet en boîte. Mais sinon, jeu de skate au NES, moi j'ai tout aimé Skate or Die. J'adore les deux Skate or Die. Sur Game Boy aussi, mais c'est un peu différent, là. Mais sinon, pour moi, le legit jeu de skate, si on peut dire, ça a été la série Tony Hawk. J'ai commencé avec le 2, puis j'ai arrêté au 4. Donc, ça a été ça. Éric Hébert, penses-tu faire des mini-capsules et critiques de bière avec le club vidéo Blond? Ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Donc, on veut faire des capsules. Hey, je joue à ce jeu-là, je bois cette bière-là. Allez liker le groupe, allez joindre le groupe Facebook Club Vidéo Blond. C'est moi et Éric Hébert qu'on a parti ça. Et puis, si vous êtes amateur de bière et de jeux vidéo, on prend des photos de nos jeux, de nos bières, on en parle. Pas besoin d'être professionnel en bière ni en jeu. C'est rien que pour le fun. Bruno Georget, parlant de répétition, quel est le jeu que tu as fini le plus souvent? Castlevania au NES et Contra au NES. Je pense que ça serait pas mal les deux jeux ça, que j'ai fini le plus souvent. Puis François a dit cantine tantôt, me demandait des plaisirs coupables. Des plaisirs coupables que j'ai, c'est justement aussi de... Pas tant que coupable, là, c'est juste de refinir ces jeux-là de temps en temps parce que c'est plaisant. C'est ce que j'aime avec la NES aussi. Deux derniers, des messages que j'ai reçus, des messages privés. Johnny Funialuk. Salut man, je pensais à ça, te demander des questions pour ton podcast. J'ai pas tout écouté, mais parle de flashcards. Je suis vraiment fan d'analogue, J'ai tellement de passion que je suis là pour sûr d'investir autant dans la collection Super NES. Je trouve que les Everdrive, ça pourrait être une belle option pour plusieurs personnes. Good job pour ton entreprise. À bientôt. Donc, merci. Alors, je devine que tu veux qu'on parle de flashcards. Moi, j'ai des flashcards. J'ai la Super SD. J'ai la Mega SG qui fait, comme je disais tantôt, Genesis Master System et Sega CD. Ça me convient parce que je ne veux pas collectionner tant les produits Sega. Les jeux NES, j'ai rien. J'ai pas de flashcard NES parce que j'utilise mes cartouches. Par contre, je pourrais être tenté d'en avoir une pour ne pas avoir à tirer mes jeux et les mettre dans la machine. Moi, je les aurais surtout pour ça, tu sais. Mais Atari 2600, Coleco, Intellivision, tu sais, je collectionne les jeux des consoles que j'aime, même si j'ai une flashcard. J'utilise la flashcard rien que pour pas me faire chier à sortir les jeux. Mais oui, c'est des produits intéressants. Par contre, moi, j'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans. Faudra vous référer plus à l'excellent podcast Le Chac à cassette de mes amis qui sont des gars de hardware qui connaissent vraiment ça et puis qui sont au courant de tout. Donc, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire sur le sujet, mais c'est très pratique les flashcards en effet quand tu veux pas t'acheter jeu par jeu. Par contre, si tu veux collectionner, c'est un petit peu plat, mais tu sais. Si tu veux un Atari 2600, tu veux pas acheter des jeux pour pas en avoir 1000, prends-toi une flashcard, tu vas avoir tout ce qui existe. T'sais. Fait que ça peut être plaisant. Et on va finir avec ça parce que il est 10h30 ici à matin présentement. Mes enfants, leur temps d'écran est terminé. Ma blonde n'est pas là et puis j'entends galoper. Je pense qu'ils ont besoin d'aide. Yannick Wissel, justement, salut Dom, j'aimerais savoir si ta blonde aime les jeux vidéo. Trouve-t-elle que les jeux vidéo prennent trop de place dans vos vies? Lâche pas, good job. Ma blonde n'aime pas les jeux vidéo, ne joue pas, n'est pas gameuse pour deux scènes, mais elle est bien consciente puis depuis longtemps que les jeux vidéo font partie de ma vie, c'est mes commerces, c'est mon gang-pain maintenant en plus. Et puis elle m'a jamais découragé. Même avant que ça soit payant, si je peux dire. Elle m'a jamais découragé de faire du podcast ou de collectionner les jeux. Elle m'a même encouragé à genre voir si je pouvais pas comme faire un payer un setup custom dans la maison, que ce soit propre. T'sais. Moi de mon côté, j'essaye de pas déborder. T'sais, comme mes jeux sont dans leur section. Puis c'est la section de jeu. T'sais, j'en mets pas en haut, j'en mets pas dans le salon. Là, c'est tout là, puis ça, c'est mon coin. Puis j'essaye de me contenir là-dedans. De là, la raison pour laquelle j'ai vendu pas mal d'affaires que j'avais plus ou moins à cœur aussi. J'ai rentré une arcade ici, elle trouvait ça le fun. T'sais, comme là, je stream, correct avec ça. Donc, ma blonde est très, très cool par rapport à ça. Et puis, mes enfants, ils aiment gamer aussi. Je pense que des fois, elle aimerait peut-être que mes enfants aient d'autres passions que de gamer. Mais c'est dans la famille, ma sœur était de même, ma grand-mère était de même, ma mère était un peu de même aussi. Donc c'est vraiment de famille et puis c'est ça. Fait que c'est une question de contrôle pour pas que ça y en ait trop non plus, là, t'sais. Fait que wow, j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de questions puis que j'aurais pu développer énormément sur plusieurs de ces questions-là. J'ai plus de voix, je suis vraiment comme... Donc, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup de m'avoir écrit. Puis j'espère que j'ai pu répondre un peu convenablement et que les réponses étaient satisfaisantes. Donc, c'était bien le fun. J'ai plus mal à la tête, vois-tu? Mon mal de tête est parti à force de parler. C'est merveilleux. Donc, je vais aller voir si le facteur a amené des jeux NES pour Retro Montréal. Merci beaucoup à tous mes Patreons qui m'encouragent. J'en ai des nouveaux là, cette semaine d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très, très, très apprécié. Et puis, j'ai streamé moins cette semaine. J'ai streamé avec mon fils plus jeune. On a fait Bubble Bubble for Friends. Donc, ça a été le fun. Il y avait plusieurs personnes qui nous regardaient. Il veut vraiment qu'on fasse River City Girls, donc on va se faire une petite séance de River City Girls éventuellement. Donc surveillez ma page Facebook quand j'annonce que je stream sur Twitch, ça veut dire que je suis live, fait que venez me voir, ça me fait toujours plaisir de vous parler. Et puis voilà, donc je dois quitter, merci beaucoup et à bientôt!